Bonjour, je m'appelle Milou. J'ai décidé de démarrer une espèce de podcast littéraire qui, en fait, va raconter mes déboires en tant qu'écrivaine. Je vous explique, je suis écrivaine amateur, j'écris de la fanfiction, j'écris de la fiction, j'écris toutes sortes de styles littéraires. Mais en ce moment, je vous avoue que je suis dans une impasse depuis la fin de l'écriture de mon plan C, qui est ma plus grande histoire. Donc, depuis ce temps-là, j'ai beaucoup de mal à me trouver... En fait, j'ai pas beaucoup de mal à me trouver des idées. J'ai beaucoup de mal à me positionner où je veux commencer. Dès que j'ouvre une page Word, j'ai toutes les idées, mais les mots ne viennent pas. Donc, en fait, j'ai le syndrome, j'ai trop d'idées, mais je sais pas par où commencer. Et puis, j'ai donc décidé d'essayer un autre format pour raconter mes histoires en version plus accélérée, si on veut dire. Et en fait, c'est une inspiration qui me vient de YouTube, d'une personne qui s'appelle Belle Peinte et qui fait de magnifiques créations des Sims 4. Donc, si vous voulez aller la suivre, allez-y. Elle a des vraiment belles créations et des histoires qui sont à tomber. Puis, c'est ça. J'ai eu l'idée de commencer une espèce de podcast sur mes histoires, les personnages, les lieux, l'univers. Donc, quelques extras aussi comme ça. Mais c'est exactement ce qui va tourner autour de cette petite chaîne de podcast. Donc, voilà.